Chapitre 11e, au château d'Arc. Après cette entrevue avec M. Floyd, John Mellish se mit tout à fait à son aise dans la petite société de Leamington. Personne n'aurait pu être plus tendre, plus respectueux, plus infatigable et plus dévoué pour le vieillard affligé. Il eût fallu qu'Archibald fût moins qu'humain pour ne pas répondre de quelque façon à ce dévouement. Aussi, doit-on peu s'étonner qu'il s'attachât très vivement à l'adorateur de sa fille. Si John Mellish eût été le disciple le plus astucieux de Machiavel, au lieu d'être le plus franc et le plus candide des êtres, je ne crois guère qu'il eût pu adopter un plus sûr moyen de se créer des droits à la reconnaissance d'Aurora Floyd que l'affection qu'il témoignait à son père. Et cette affection était d'aussi bon aloi que toute autre chose émanant de cette nature ingénue. Comment pouvait-il faire autrement que d'aimer le père d'Aurora? C'était son père. Il avait un titre souverain au dévouement de l'homme qu'il aimait, elle, qu'il aimait comme John, sans réserve, sans douter de rien, en véritable enfant, de l'amour aveugle, confiant que l'enfant ressent pour sa mère. Il peut exister des femmes meilleures que cette mère, mais qui le fera croire à l'enfant? John Mellish ne pouvait discuter en lui-même sa passion comme Talbot Bulstrode l'avait fait. Il ne pouvait se séparer de son amour ni raisonner avec son extravagante folie. Comment pouvait-il se détacher de ce qui était lui-même, plus que lui-même, un autre lui-même plus divin? Il ne faisait aucune question sur la vie passée de la femme qu'il aimait. Il ne cherchait jamais à connaître le secret du départ de Talbot de Felden. Il la voyait belle, séduisante, parfaite, et l'acceptait comme un fait considérable, prodigieux, comme la lune et les étoiles répandant leur lumière sur les parterres rustiques et les allées garnies d'espaliers pendant les nuits embaumées du mois de juin. Ainsi, cette société tranquille coulait lentement et dans un calme monotone des jours paisibles. Aurora portait son fardeau en silence. Elle supportait sa peine avec le noble courage, particulier aux riches organisations comme la sienne. Et personne ne savait si le serpent avait été arraché de son sein ou s'était fait une demeure permanente dans son cœur. Les soins les plus diligents du banquier ne pouvaient approfondir ce mystère féminin. Mais il y avait des moments où Archibald Floyd osait espérer que sa fille était en paix et que Talbot Bulstrode était presque entièrement oublié. En tout cas, il était sage de se tenir loin de Felden Woods. Aussi M. Floyd proposa-t-il à sa fille et à Mrs. Powell un voyage en Normandie. Aurora y consentit avec un tendre sourire et en serrant doucement la main de son père. Elle devina le motif du vieillard et reconnut l'amour vigilant qui cherchait à l'éloigner du théâtre de son chagrin. John Mellish, qui n'avait pas été invité à être de la partie, tomba dans un tel transport lorsqu'on lui en parla qu'il aurait fallu avoir le cœur bien dur pour refuser son escorte. Il connaissait, disait-il, chaque coin de la Normandie, et il promettait d'être extrêmement utile à M. Floyd et à sa fille. Ce qui semblait fort douteux, vu que c'était en assistant au steeplechase de Dieppe qu'il avait appris ce qu'il connaissait de la Normandie, et que sa science dans la langue française était fort limitée. Mais malgré tout cela, il s'arrangea pour tenir sa parole. Il alla à Londres et engagea un courrier accompli, qui conduisait la petite société d'une ville dans un village, d'une église à des ruines, et qui pouvait toujours trouver des chevaux de relais normands pour les énormes voitures de voyage du banquier. Les voyageurs allèrent d'endroit en endroit jusqu'à ce que de pâles lueurs de couleur revinrent animer d'éclairs passagers les joues d'Aurora. Le chagrin est terriblement égoïste. Je crains que Miss Floyd ne prenne jamais en considération les ravages dont le noble et honnête cœur de John Mellish pouvait être victime. J'ose affirmer que si elle avait jamais réfléchi à cela, elle aurait pensé qu'un habitant du Yorkshire aux larges épaules et ayant 6 pieds de haut ne pouvait jamais souffrir sérieusement d'une passion comme l'amour. Elle s'accoutumait à sa société. Elle s'accoutumait à voir son bras robuste tout prêt pour s'appuyer dessus quand elle était fatiguée. Elle s'accoutumait à lui faire porter son album, ses châles et son pliant. Elle s'accoutumait à se faire servir fidèlement à chaque occasion par lui qui était au petit soin pour elle toute la journée. Elle recevait ses hommages comme une chose toute naturelle, mais en les acceptant tacitement, elle le rendait souverainement heureux et d'un bonheur dangereux. On était à la moitié de septembre lorsqu'ils pensèrent à s'en retourner en Angleterre. Ils s'arrêtèrent quelques jours à Dieppe, où il y avait de nombreux baigneurs, et où l'établissement des bains était tout brillant de lanternes de couleur et retentissant de concerts incessants. Les premiers jours de l'automne resplendissaient de leur beauté embaumée. Une année s'était presque entièrement écoulée depuis que Talbot Bulstrode avait fait à Aurora cet adieu, qui, dans un sens du moins, devait être éternel. Tous deux, Aurora et Talbot, pouvaient, il est vrai, se rencontrer de nouveau. Oui, ils pouvaient se rencontrer et même être ensemble sur le pied de la cordialité et de l'amitié, et se rendre service l'un à l'autre à une époque future indéterminée. Mais les deux fiancés, qui s'étaient séparés dans la petite chambre de Felden Woods, ne pourraient jamais se rencontrer de nouveau. Entre eux, il y avait la mort et la tombe. Peut-être quelques pensées de ce genre avaient-elles place dans le sein d'Aurora Floyd, au moment où elle s'assit ayant John Mellish à côté d'elle, et jetant les yeux sur le paysage varié du haut de la colline sur laquelle les ruines du château d'Arc élèvent encore un fier souvenir d'un temps qui n'est plus. Je ne suppose pas que la fille du banquier s'inquiétât beaucoup de Henri IV, ou de toute autre célébrité morte et trépassée qui a laissé la trace de son nom sur ce sol. Elle savourait tranquillement la pureté parfaite et la douce mollesse de l'air foncé du ciel sans nuages, les bois étendus, les plaines fertiles, les vergers dont les arbres étaient surchargés de fruits vermeils, les petits ruisseaux, les chaumières blanches à l'apparence de villas, les jardins épars, dispersés sur le superbe panorama déployé à ses pieds. Arrachée à la douleur par l'extase sensuelle que nous puisons dans la nature, et découvrant pour la première fois en elle-même un vague sentiment de bonheur, elle commençait à s'étonner de survivre depuis tant de mois à son chagrin. Pendant ces longs et fastidieux mois, elle n'avait jamais entendu parler de Talbot Bulstrode, à qui tout aurait pu survenir sans qu'elle l'eût su. Il aurait pu se marier. Il aurait pu choisir une fiancée plus fière et plus digne pour partager son nom altier. Elle pourrait le rencontrer à son retour en Angleterre, avec cette femme plus heureuse qu'elle, appuyée sur son bras. Quelque bon ami, dirait-il à la fiancée combien Talbot avait aimé et recherché la fille du banquier. Aurora s'aperçut qu'elle avait pitié de cette femme plus heureuse qu'elle, qui après tout ne posséderait que le second amour de ce cœur orgueilleux. Le pâle reflet d'un soleil qui s'était couché, la faible lueur d'un feu expirant après l'extinction de la grande flamme. On lui avait fait un lit avec des châles et des tapis de voyage étendus sur une chaise rustique, car elle était encore loin d'être forte, et elle était couchée à la brillante clarté du soleil de septembre, regardant le beau paysage et écoutant le bourdonnement des scarabées et le cri des cigales sur le gazon uni. Son père était allé à quelque distance avec Mrs. Powell, qui explorait toutes les crevasses et toutes les fentes des ruines avec la persévérance particulière aux gens habitués aux banalités. Mais le fidèle John Mellish ne bougeait jamais à côté d'elle. Il observait son visage plongé dans la méditation, essayant d'en lire le secret, essayant de puiser un rayon d'espérance dans une expression qu'il pouvait y surprendre par hasard. Ni lui ni elle ne savaient depuis combien de temps il la contemplait ainsi. Lorsque, se tournant pour lui parler du paysage qui se déroulait à ses pieds, elle le trouva à ses genoux, l'implorant d'avoir pitié de lui, de l'aimer ou de le laisser l'aimer, ce qui était à peu près la même chose. « Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez, Aurora, » dit-il d'un ton passionné. « Comment m'aimeriez-vous? Qu'y a-t-il chez un gros garçon gauche comme moi pour mériter votre amour? Je ne demande pas cela. Je vous demande seulement de me laisser vous aimer, de me laisser vous adorer. Comme les gens que vous voyez ici s'agenouiller dans les églises adorent leurs saints. Vous ne me repousserez pas, n'est-ce pas, Aurora? Parce que je prétends oublier ce que vous m'avez dit en ce jour cruel à Brighton. Vous n'auriez jamais souffert que je restasse si longtemps avec vous et que je fusse si heureux si vous aviez eu l'intention de me repousser à la fin. Vous n'auriez jamais pu être si cruel. » Miss Floyd le regarda et son visage trahit une terreur subite. Qu'était-ce? Qu'avait-elle fait? Encore du mal, encore un malheur. Sa vie devait-elle être une suite perpétuelle de mauvaises actions? Devait-elle donc toujours affliger de braves cœurs? Ce John Mellish devait-il être une nouvelle victime de sa folie? « Oh, pardonnez-moi, » s'écria-t-elle, « pardonnez-moi, je n'ai jamais pensé. » « Vous n'avez jamais pensé que chaque jour passé à vos côtés doit rendre plus cruelle et plus poignante la douleur de se séparer de vous? Oh, Aurora, les femmes devraient penser à ces choses. Éloignez-moi de vous, et que deviendrai-je? Un pauvre être, bon à rien de mieux qu'à s'occuper de courses et de paris, un être désolé, indifférent à tout, prêt à mal faire à la première occasion qui m'y entraînera. Méprisable aux yeux d'autrui et à mes propres yeux. Vous devez avoir vu de ces hommes-là, Aurora, des hommes dont la jeunesse sans âge promettait un âge mûr honorable, mais qui changent tout à coup et s'en vont à leur perte dans quelques années de folle dissipation. 9 fois sur 10, une femme est la cause de ce changement subi. Je mets ma vie à vos pieds, Aurora. Je vous offre plus que mon cœur. Je vous offre ma destinée. Disposez-en à votre gré. » Dans son agitation, il se leva, et il marcha quelques pas d'elle. Les créneaux recouverts d'herbe fuyaient en pente à ses pieds. Un fossé extérieur et un fossé intérieur étaient béants au-dessous de lui, au fond d'un talus escarpé. Quel endroit convenable pour un suicide, si Aurora refusait d'avoir pitié de lui. Le lecteur doit convenir qu'il avait profité de beaucoup d'artifices en adressant la parole à Miss Floyd. Son appel avait pris la forme d'une accusation plutôt que d'une prière, et il avait fait exactement comprendre à cette pauvre fille la responsabilité qu'elle encourait en le repoussant. Et cela, il faut l'avouer, est une bassesse dont les hommes se rendent souvent coupables dans leur conduite à l'égard des femmes. Miss Floyd leva les yeux sur son amant avec un sourire calme et presque triste. « Asseyez-vous là, Monsieur Mellish, » dit-elle, en lui indiquant un pliant à côté d'elle. John prit le siège qu'on lui désignait, de l'air d'un prisonnier qui prend place au banc des accusés pour répondre à une accusation capitale. « Vous dirai-je un secret ?» demanda Aurora, regardant avec compassion son visage pâle. « Un secret ?»« Oui, le secret de ma séparation d'avec Talbot Bulstrode. Ce n'est pas moi qui l'ai congédié de Felden Woods, c'est lui qui a refusé de remplir son engagement avec moi. » Elle parlait lentement, à voix basse, comme s'il eût été pénible de prononcer des paroles qui révélaient une si profonde humiliation. « Il vous a refusé ?» s'écria John Mellish, se levant, rouge de fureur, comme s'il eût voulu courir chercher Talbot Bulstrode pour le châtier. « Oui, John Mellish, et il avait le droit d'agir ainsi, » répondit Aurora gravement. « Vous auriez agi de même. Oh, Aurora, Aurora ! Vous agiriez de même ? Vous êtes homme de bien comme lui. Pourquoi auriez-vous un sentiment d'honneur moins prononcé que le sien ? Il s'est élevé entre Talbot Bulstrode et moi une barrière qui nous a séparés pour toujours. Cette barrière, c'est un secret. » Elle lui parla alors de l'année de sa jeunesse dont elle ne pouvait rendre compte et comment Talbot avait insisté pour avoir une explication qu'elle avait refusé de lui donner. John l'écouta d'un air pensif, qui se changea en un rayonnement lorsqu'elle se tourna vers lui et lui dit « Comment auriez-vous agi en pareil cas, Monsieur Mellish ?»« Comment j'aurais agi, Aurora ? J'aurais eu confiance en vous. Mais je puis faire une meilleure réponse à votre question, Aurora. Je puis y répondre en vous réitérant la première que je vous ai adressée il y a 5 minutes. Soyez ma femme. Malgré ce secret, malgré sans secret, je ne pourrais vous aimer comme je le fais, Aurora, si je ne croyais pas que vous fussiez la meilleure et la plus pure des femmes. Je ne peux pas croire cela un instant, puis douter de vous l'instant d'après. Je remets ma vie et mon honneur en vos mains. Je ne les confierai pas à la femme que je pourrais insulter par un doute. » Pendant qu'il parlait, son beau visage saxon rayonnait d'amour et de franchise. Tout son dévouement patient, auquel elle avait été si longtemps sans faire attention, ou qu'elle avait accepté comme une chose toute naturelle, revint à l'esprit d'Aurora. Ne méritait-il pas une récompense, une compensation en retour de tout cela ? Mais il y avait quelqu'un qui lui était plus proche et plus cher que Talbot Bulstrode même ne l'avait jamais été, et cette personne, c'était le vieillard à cheveux blancs qui se promenait dans les ruines, de l'autre côté de la plateforme. « Mon père sait-il cela, Monsieur Mellish ? » demanda-t-elle. « Oui, Aurora. Il m'a promis de m'accepter pour fils, et Dieu sait que j'essaierai de mériter ce nom. Ne me laissez pas vous affliger, Aurora. Je sais tout à présent. Vous, vous savez que je vous aime encore, que j'espère encore. Laissez le temps faire le reste. » Elle lui tendit les deux mains avec un sourire mêlé de larmes. Il prit ses deux petites mains dans les siennes qui étaient si larges et se pencha pour les baiser respectueusement. « Vous avez raison, dit-elle, que le temps fasse le reste. Vous êtes digne de l'amour d'une femme meilleure que moi, John Mellish, mais avec l'aide de Dieu, je ne vous donnerai jamais sujet de regretter la confiance que vous avez en moi. »